ki nak ben gaay lawon mi ngi tuddu Zibiko. Zibiko dafa bari affaire bari affaire jeex waye nak yalla dafon nak ñaari loxey dag ñu dag ñaari loxey donc ben bes dal sa way di courti rek bu dugg ci ben ten bu mu duggé ci ten bi nak village bi yep ne wa sa Zibiko nuñ koy guéné di wut pexé ba sonu amuñu quoi rek ben paané waw légui dal ki comme ta amul loxo né ni jël ben boum ngén rotentel ko sann ko ci ten bi comme ça mu mat ko génn gaay jël ben boum rotentel ko sann ko ci ten bi rek sann ko Zibiko né ko matal affaire bi sa way mat affaire bi nak ñu koy xëc digay xëc ba muy dem bay waja génn rek gis gaay rek né len merci rek dougat ci bir